Lettre 73e, Calpurnie à Sulpici, février 303. N'as-tu pas remarqué, Sulpici, que plus on éprouve de peine et de difficulté à prouver à un ami l'intérêt qu'on prend à lui, plus cet intérêt augmente, et plus celui qui en est l'objet acquiert de prix à nos yeux. Ainsi, le jardinier préfère la plante qui lui a coûté le plus de soins, et la mère, l'enfant faible et maladif, qui lui donne mille inquiétudes. Grâce soit rendue à la nature qui grava ce sentiment dans le cœur de l'homme pour la consolation des malheureux et des souffrants. Je fais à présent l'expérience de cette vérité dans les visites que je rends à Agathoclès sous mon habit d'esclave. Malgré les dangers de toute espèce que je cours en allant le voir, et peut-être même à cause de ces dangers, j'y trouve un plaisir infini. Vraiment, cependant, un homme qui n'est pas très beau, même en pleine santé, ne devrait pas être bien séduisant dans un costume de malade, pâle comme la mort, couché et pouvant à peine articuler d'une voix faible quelques paroles. Eh bien, jamais il ne m'a paru aussi aimable et aussi dangereux pour ma liberté que depuis qu'il est dans cet état, et que je brave tout pour venir le soigner. Oui, Sulpici, le soigner. Il a, comme je te l'ai dit, une blessure à la main droite qui l'empêche de s'en servir. Elle est enveloppée dans des bandages et soutenue par une écharpe. Cet incident me fournit l'occasion de lui rendre mille petits services et de suppléer à cette main dont il ne peut céder. C'est surtout dans ce moment-là qu'il me paraît intéressant. La pâleur de son visage, cette difficulté à se mouvoir, ce guerrier intrépide forcé d'avoir besoin des secours d'une femme, l'expression de douleur qui se répand quelquefois sur ses traits lorsqu'il fait un mouvement sans qu'il lui échappe une plainte, tout cela réuni m'émeut 100 fois plus que si, par l'art d'une magicienne de la Thessalie, je le voyais à mes pieds sous la figure d'Adonis ou d'Apollon. Je comprendrais facilement cet effet qui me paraît singulier si mes rapports avec lui étaient tels que tu te l'imagines, si l'homme que je vais voir si mystérieusement était plus que mon ami, si ce regard languissant s'animait d'amour à mon arrivée, si de la main qui la livre il serrerait la mienne contre son cœur brûlant, si cette voix affaiblie prononçait une expression passionnée. Mais il n'existe rien de tel entre nous. Son regard n'exprime qu'une froide reconnaissance, et nos entretiens sont si sérieux que la tendresse ne peut y trouver place, quelquefois même il est très sévère. J'eus hier une vive dispute avec lui. Par hasard, il m'échappa quelques réflexions un peu légères sur la divinité, la providence, le destin, qui permettent qu'Agathoclès, en faisant une bonne action, soit presque blessé à mort. Il prit la chose tout à fait au sérieux et me reprocha la coupable légèreté avec laquelle je parlais de ce qu'il y a de plus important pour l'homme. Je lui demandai en riant s'il en savait quelque chose, si même, depuis Deucalion jusqu'à nos jours, il avait été possible à quelqu'un d'apprendre et de découvrir quelque chose de positif là-dessus. Il fut obligé de me répondre négativement. Mais il me renvoya à la foi, comme à ce que l'homme a du plus précieux, à la seule chose qui l'élève au-dessus de la poussière, et qui lui donne la force de sacrifier tout ce qui paraît être cher à un être sensuel, son bonheur terrestre, et même sa vie, pour conquérir ce qu'il y a de plus grand et de plus sublime, et qui doit être le but de toutes ses actions. Et qu'est-ce donc que vous appelez ce qu'il y a de plus grand et de plus sublime? Lui dis-je avec un ton peut-être un peu léger. Mais je voulais donner une tournure moins sérieuse à notre conversation. Pour moi, ajoutai-je avec un de mes plus doux regards, je ne connais qu'une chose qui mérite ce nom. Il me regarda avec un œil scrutateur, puis il posa sa main sur mon cœur qui battait plus fort qu'à l'ordinaire. Ce bon cœur, me dit-il, serait-il assez refroidi par le monde et le plaisir pour que la seule réponse à cette demande ne retentît pas jusque dans ses plus profonds replis? Il faut que je t'avoue que je fus un peu confuse et embarrassé, quoiqu'il y eût quelque chose de très aimable pour moi dans son reproche. Je gardai un instant le silence. Un regard sur le bras blessé d'Agathoclès, un souvenir de ce qui en était la cause, me fit trouver que j'étais bien petite avec ma philosophie mondaine devant cet homme, qui, peu de jours auparavant, avait hasardé sa vie avec le plus grand sang-froid pour obtenir un but si sublime qu'il ne peut s'exprimer. « Comment le nommes-tu, ce bien ? » lui dis-je encore. « Est-ce l'amour ? Est-ce la fortune ? Serait-ce la vertu ?»« Tu l'as dit, » me répondit-il, « c'est la vertu. » son premier résultat est la paix de l'âme ici-bas, quelque sort qu'on éprouve, et le bonheur suprême dans une autre vie. N'est-ce donc pas le premier des biens ? Alors il commença, pour me convaincre tout à fait, à me peindre avec tout le feu de son éloquence la sublimité de la religion chrétienne, dont la première loi est la pureté de l'intention et de la volonté, et des efforts continuels pour se conduire de manière à servir de règle et d'exemple à tout l'univers. Je fus forcé de convenir que tout ce qu'il disait et la manière dont il s'exprimait avaient quelque chose de persuasif et d'entraînant. Je fus touché, enthousiasmé même, surtout quand je pensais que celui qui parlait avec tant de force et de dignité venait de sceller de son sang cette doctrine et de prouver combien il était lui-même convaincu de tout ce qu'il disait. Mais Agathoclès est peut-être le seul qui pense et agisse ainsi, et peut-être n'est-ce que par moments. Quel est le chrétien qui en serait capable ? Cette réflexion me vint à l'esprit lorsque je l'eus quitté, et que dans ma route solitaire, n'étant plus entraîné par le prestige d'un génie supérieur et d'une éloquence irrésistible, je revins à mes pensées habituelles. Nos prédécesseurs, me disais-je, n'étaient pas tous cependant des fous ou des imposteurs. Si le polythéisme avait été si méprisable et si faible, le monde serait anéanti depuis longtemps. La société, sans frein et sans ordre, se serait dissoute d'elle-même. Le siècle de fer dont Ovide parle dans ses chants comme ayant existé serait revenu. La guerre de tous contre tous aurait recommencé, et le genre humain, exterminé pour la seconde fois, aurait besoin pour renaître d'un second Deucalion. Ainsi, je retombais des hauteurs célestes où Agathoclès m'avait transporté sur la terre, où j'ai l'habitude de marcher, et je ne conservais de cet entretien qu'une admiration profonde pour l'homme qui pense et agit avec tant d'héroïsme, et à qui je m'attache tous les jours plus, et par ses vertus, et par ses malheurs, et par les folies que je fais pour lui, car je ne puis me dissimuler le danger que court ma réputation si je continue ses visites, et que je sois rencontré et reconnu. Et depuis hier, j'ai remarqué que quelqu'un m'observe et me suit. Phédo l'a remarqué aussi. Cela ne vient pas de mon père, il en agirait plus ouvertement avec moi. Qui peut-ce être, et quel intérêt peut-on avoir à me nuire? On n'y réussira pas facilement. Je sais bien que si l'on connaissait cet épisode de ma vie, il prêterait aux propos du public et aux calomnies des gens désœuvrés, surtout des femmes, qui en feraient tout autant si elles ne manquaient pas d'esprit et de courage. Je méprise de tout mon cœur et leur opinion et leur jugement lorsque je me conduis d'après ma conviction intérieure, qui me dit que je ne dois pas abandonner un ami malheureux. Et de plus, je désire de savoir à quoi m'en tenir sur cet espionnage mystérieux et à retourner ce soir pour voir si je serai encore suivi. Qu'ai-je à craindre pour ma sûreté personnelle? Nous ne vivons plus dans le temps des Hélènes et des Proserpines, et je ne serai pas enlevé. Cette aventure m'amuse sans m'inquiéter. Il me semble que je joue une comédie, où Agathoclès, l'espion inconnu et moi, nous remplissons les premiers rôles. Il m'est bien venu un soupçon sur cet inconnu, mais il est trop invraisemblable. Marcius Alpinus est ici depuis quelque temps. Tu sais que le rang, la fortune et l'influence de mon père me rendirent très séduisante à ses yeux. Il me fatiguait alors par ses soins et son assiduité. Je le traitais avec le mépris qu'il mérite. Il hait Agathoclès, et je le sais. Et cet être vil et rampant a maintenant assez de crédit auprès de Galerius pour être à craindre. Si c'était lui, je craindrais non pour moi, mais pour celui que je vais visiter. Mais encore une fois, rien n'est moins vraisemblable, et mes démarches lui sont à présent aussi indifférentes qu'il me l'a toujours été. Adieu, la nuit s'approche, je vais m'habiller et sortir. Je te dirai encore un mot à mon retour, ou demain. Adieu. Le lendemain. À peine étais-je à 200 pas de l'habitation d'Agathoclès que j'ai vu la même figure enveloppée dans un grand manteau qui m'observait avec soin. Je n'eus pas l'air d'y faire attention, et je continuai ma route. Je n'en dis rien, mon ami, de peur de lui donner l'inquiétude que je n'avais pas moi-même, mais je le quittai plus tôt qu'à l'ordinaire, avant que la nuit fût tout à fait noire. Je retrouvai bientôt la figure masquée qui me suivait pas à pas, vite, lentement, à droite, à gauche, ainsi que j'allais moi-même exprès pour le fatiguer. je ne trouvais pas prudent de me rendre d'abord à notre maison. Lorsque nous fûmes dans l'intérieur de la ville, Phédo me dit à voix basse qu'il voulait me mener chez son frère, qui demeurait dans ce quartier. Je le suivis, pouvant compter sur la discrétion de toute cette famille. Je restai chez eux assez longtemps pour espérer que l'inconnu, fatigué de m'attendre, aurait disparu. En effet, c'est ce qui arriva, et je suis rentré paisiblement à la maison sans autre aventure, mais non sans un sentiment inquiet. Je suis très curieuse de savoir ce qui m'arrivera ce soir. Mes mesures sont bien prises, je ne risque rien, et je serai bien dédommagé d'un peu de frayeur pour le plaisir de voir Agathoclès et de sortir un peu de la monotonie de la vie. Adieu, je n'ai pas le temps d'écrire davantage.